brûlé en quai nous. C'est toujours nuit en symphonie. Car mes piments dans la vie. Et qui brise seulement pour Dieu mettre. Et qui les écapétille. Parce que tous les jours c'est pas fait. Et qui a nos ailes pour voler. Observer. Faut musique là. Ou aimer. Faut musique là. Pour nous aimer. Des petits mots doux. Ou aimer. S'il lève en nous. Ou aimer. Des petits mots doux. Pour nous aimer. Musique, c'est l'amour. Passer la Guadeloupe, la Guyane, Dominique.